بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فانتهينا ولله الحمد من الموضع الأول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموضع الأول عليكم السلام هو قصة نزول الوحي وفيها في هذه القصة قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قول الله عز وجل والرجز فاهجر. استفدنا أن هذا الدين الذي أوحى الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيه الأمر أو مبني على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. Et tout ça, nous, on l'a vu dans ce premier point, hada. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète alayhi salatu salam, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, ce din. Et ce din, il est fondé à l'appel au tawhid et combattre le shirk. Et tout ça, on l'a vu dans le premier point. Hier, al-Kuffar, à l'époque du prophète, ils l'ont combattu, ils l'ont fait sortir de Mecca. Tout ça, parce qu'il a appelé au tawhid et il a mis en garde contre leurs idoles. Wal-Rujza fahjur. Nabi, il a mis en garde contre ce qu'ils adoraient haoula, ils l'ont combattu alayhi salatu salam. Wa hakada al-kuffar min fajr al-tariq ila al-yawm wa fi kulli makan yuharibuna al-islam. Yuharibuna al-islam wa yuharibun du'at hada al-islam. Fa ams on a vu ça en détail wa lillahi alhamd. Et ams on n'a pas détaillé kathiran fi la dernière partie du sharh de Cheikh Al-Fawzan, Dayq Al-Waqt ila akhirah, on n'a pas pu détailler, khassatan, le fait qu'ils combattent l'islam par l'ilmaniyya, la laïcité ila akhirah. Enfin, tout ça, bi'idnillah, on le développera, incha'Allah ta'ala, yawm al-jumu'ah. Enfin, yawm al-jumu'ah, la kalima, ça sera sur l'ilmaniyya. Alaykum salam wa rahmatullah. On essaiera de détailler hada al-madhab al-fasid. Al-ilmaniyah, la laïcité, et on verra c'est quoi la laïcité fi ou le jugement de la laïcité fi din l'islam. Amma ta'lamoun anna al-kuffar al-an il propage cette laïcité ka anna c'est un wahy min Allah. Et vous verrez que, et vous le savez, wallahi alhamd, anna la laïcité c'est du kuffre. Et c'est un tarout min tawarit al-asr. Fa nahnu on essaiera d'expliquer avec la compréhension du Coran, de la Sunna et des salaf al-salih, on essaiera بإذن الله عز وجل d'expliquer هذه العلمانية الفاسدة. Inch'Allah, اليوم on passe au deuxième point. فيوم الجمعة on essaiera de faire cette kalima العلمانية. عليكم السلام ورحمة الله. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ستة مواضع من السيرة. قال الموضع الثاني. الآن شيخ الإسلام va nous expliquer le deuxième point qu'il a choisi. هو il a choisi six points pour t'expliquer le prophète صلى الله عليه وسلم comment il a vécu avec ce tawhid. Premier point, on l'a vu, la révélation, le début de la révélation. Deuxième point, قال أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد. C'était ça le premier point. Il va faire le lien sur l'islam. Là, il va nous expliquer ce que ça impliquait. Ils l'ont combattu l'akhiré. قال الشيخ الفوزان حفظه الله لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموما ولم يعترض لما هم عليه وهم يقولون الذي نحن عليه ليس بالشرك ليس بالشرك نعم الشيخ الإسلام va détailler dans le deuxième point pourquoi ils ont combattu le prophète عليه الصلاة والسلام et c'est ce qu'on a cité dans le premier point لكن هنا il va détailler plus أما si le prophète عليه الصلاة والسلام il aura appelé au tawhid et il aurait mis en garde contre shirk globalement sans critiquer personne, sans montrer les erreurs de personne, sans mettre en garde contre leur divinité, personne n'aurait combattu. Les mal, les anna, kuffar Quraysh, ils ne seraient pas sentis visés par Hada. Ils auraient dit, nous on n'est pas des mouchriks. Ma na'abudhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa. Enfin, eux, ils auraient cru que le kalam, il est pour les juifs, les chrétiens, les... Amma, eux, ils ne sont pas concernés. Lakin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, il a détaillé. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Il leur a montré أنهم c'était كفار. قل يا أيها الكافرون. Et tu sais un tas dès que tu dis une personne kafir, voilà aussi c'est un kafir, il n'aime pas. اليهود والنصارى و tous les espèces de kuffar, les genres de kuffar, ils n'aiment pas que tu lui dis kafir. Ou tu montres qu'il est à la dhalal. Ils n'aiment pas. أبدا. أما si la da'wa de Nabi صلى الله عليه وسلم ça serait une da'wa globale. Sans viser personne, sans mettre en garde personne, sans critiquer leurs idoles, leurs divinités, ils ne l'auraient pas combattu. Lakin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, il a détaillé, c'est obligé, il montre. Là, ce que vous faites, c'est du shirk, vous êtes à la batel, vous êtes des kuffar, hakada, ils l'ont combattu. Un tâche, une faïda azima de ce point. Comme il va nous expliquer, Cheikh Fawzan, قال وهم يقولون الذي نحن عليه ليس بالشرك الذي نحن عليه تقرب إلى الله بالأولياء والصالحين. نعم كما في الآية والله سيتي وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا قال ونحن لا نشرك بالله إنما هذا تقرب إلى الله وتوسل إليه ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على النهي عن الشرك دون التفصيل وبيان لما اعترضوا عليه لأنهم يرون أنهم غير مشركين هذا فأنت سباري aujourd'hui فالآن يا بعض الضلال ينتسبون إلى الإسلام سيد مشرك كالروافض يفون الشرك يسبرتون مسلم. فأنت dans ta da'wa, tu verras que dès que tu appelles au tawhid et tu mets en garde contre shirk, Kathir minhum, il ne va pas se sentir visé. Lakin, si tu mets en garde contre leur shirk à eux, tu dis là, ce que vous faites, vous adorez Sidi Fulan, c'est du shirk. Ce que vous faites, c'est du kufr. Ils disent, Qawlullah Azza wa Jal, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Ils disent cette aya. Ils disent Qawlullah Azza wa Jal, Inna Allah harrama. Ou Qawlullah Azza wa Jal, wa man yushrik billah. فقد حرم الله عليه الجنة. Ils disent tout ça. لكن pour eux, ils ne sont pas concernés. Ils disent ça c'est les Yahoud, ça c'est les Nasara, ça c'est. المهم أنهم ils ne sont pas concernés هم. أما أنت أيها الداعي إلى الله, si tu viens, tu lui dis, t'as adoré autre qu'Allah. Si tu meurs à la dalhal, c'est très grave, il a akhiré, tu verras qu'il va te combattre. أما comme ils font بعض الناس الآن une da'wa sans montrer. Ils disent l'islam c'est bien, l'islam c'est kada, il faut rentrer dans l'islam, l'islam on est des frères. Tu verras que personne ne le combat, abadan. Abadan. Lakin c'est pas ça da'wat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fa nahnu on comprend de ce point que si tu veux faire da'wa, tu dois faire da'wa comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Et si tu fais da'wa comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, tu auras des problèmes, tu auras des ennemis, il a akhir. Limana li anna tu vas montrer l'état de ba'd an-nas, ba'd an-nas ils aiment pas. Ba'd an-nas ils ont des principes laïcs wal a'yadu billah. Fais ton din, je fais mon din. Ne me critique pas, je te critique pas. كما قال إمامهم الضال نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. On s'entraide, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Tu te tais, je me tais. La laïcité, fais ton din chez toi, je fais mon din chez toi. Chez moi, هذا. Enfin, tout ça, c'est pas min din al-Rasul, أبدا. Din al-Rasul, là, le prophète صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. Il montre le haq. Il met en garde contre le kufr. Il met en garde contre le shirk. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Dans l'aya, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète 10 heures. يا أيها الكافرون. Avant, c'est des kuffars, tu dois dire. C'est un kafir, c'est un kafir. Un mushrik, un yahoudi, un nasrani, un rafidi, qui adore autre qu'Allah, il a akhidi, c'est un mushrik, c'est un kafir. On doit dire que c'est un kafir, on ne va pas dire que c'est un musulman. On va pas dire que c'est notre frère, abadan. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Tu lui montres أنه t'es pas d'accord. J'adore pas ce que t'adores. Ce point il nous montre cette chose et ce point il est مهم جدا comme vous allez voir. l'explication de Cheikh Al-Fawzan. قال ولو أن الرسول اقتصر على النهي عن الشرك دون تفصيل وبيان لما اعترضوا عليه لأنهم يرون أنهم غير مشركين. أفرأيتم اللات والعزة. Prophète sallam, il dit ce verset au milieu des mushriks. Mushriks, تعلمون أن اللات وعزة ومنات et toutes ces idoles, ils avaient un ta'zim عجيب. هذا c'est ça dit le Rasoul. Prophète sallam, il n'a pas dit là, je respecte vos idoles. أبدا. C'est ça dit l'Anbiya. Dit l'Anbiya, on met en garde contre le shirk, et on met en garde contre le mushrik, et on montre tawhid, حتى ceux qui veulent le haq, ils le trouvent. Et on met en garde contre Ba'at al-Lab. On appelle, comme ils font Ba'at al-Dullah al-An, l'islam c'est une religion de paix, l'islam c'est kada, l'islam c'est kada. Et on met pas en garde contre Ba'at al-Lab. Ba'at al-Nas al-An, ils croient que min al-Islam adore les tombes. Je suis un musulman. Comme toi, tu es un musulman. Ça c'est Ba'at al-Lab. On met en garde, et dès qu'on a du adha, avec Ba'at al-Nas, ils critiquent, ils veulent te faire du mal et l'akhirat, tasbir. Tu patientes et al-aqibatu li-taqwa. Qala. شيخ الإسلام قال لم يكره ذلك واستحسنوه. On répète depuis le début, لأن الكلام il va ensemble. أما الشرح شيخ الفوزان il a شرح la première partie, la deuxième نحن غليتو حتى c'est واضح. قال الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكره ذلك. انظر لم يكره ذلك. Au départ ça leur a pas fait de mal. Au départ ça leur a pas fait de mal aux mushriks. Et ils ne sont pas sentis agressés, ils ne sont pas sentis abadan. Abadan. Qal wa stahsanu. Wa haddatu anfusahum bid dukhul fihi. Bal. Ils ont vu que c'était un amr tayyib. Wa haddatu anfusahum. Bal. Ils commencent à poser des questions. Peut-être qu'on va suivre hadha ar-rajul. Mais ils ont cru qu'il appelait à la même chose qu'eux, ils sont. Maintenant, le prophète sallam, il met en garde contre shirk. Eux, ils ne se sentaient pas concernés. Enfin, peut-être qu'il a le même dîme que nous, on va le suivre. Hakada ils pensaient. Qal. إلى أن صرح بسب دينهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى كم صار مونتري كيزيت على خطأ. Non, ce que vous faites c'est faux. Ce que vous faites c'est باطل. Eux qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Suivre le prophète صلى الله عليه وسلم et adorer leurs idoles. Ils ont voulu rassembler les deux. قال إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. Dès qu'ils ont vu que le prophète صلى الله عليه وسلم combattait leurs idoles et combattaient leur dîne de mushrik, ils ont pris la décision de le combattre. Ça te montre, ayyuhal muslim, anna al-ibra, c'est pas que tout le monde t'aime bien, abadan, ou tout le monde te suive, abadan. Toi, tu dois montrer le haq. Tu dois montrer le haq. Ba'd ad-dullah al-an, comme tu sais, ils ont une da'wa, sallallahu alayhi wa sallam, un homme des choses, ils ne peuvent pas le dire. Maintenant, il dit, moi, si je dis que le christianisme et le judaïsme, c'est batel, ça va faire peur aux gens, ils ne vont pas. Il emmène que des choses globales. Notre religion, c'est le respect du voisin. Notre religion, c'est le respect des parents. Notre religion, on n'a pas le droit de mentir, pas le droit de voler. Tu vas trouver le Yahoudi et le Nasrani, il est d'accord avec ça. D'accord, ils vont dire ça, c'est un islam modéré, il est akhiri. Al-an intervient, du linam. On doit obéir à nos parents, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de mentir. On doit détester les juifs, on doit détester les chrétiens. Khalas, il va dire, ah. Il est un fondamentaliste, c'est un intégriste, c'est vas-y, l'alqab qui veut rien dire. Hada. Lakin c'est ça le din. T'es obligé, enta. Et enta, avec ce tariqa, tu veux le bien. S'il réfléchirait un peu, haoula, il réfléchirait un peu, enta, tu le veux son bien. Yahoudi, tu lui montres que c'est un kafir, tu lui montres qu'il est à la shor, tu lui montres qu'il adore autre qu'Allah, tu l'appelles à l'islam. S'il se convertit, bi'idnillah azza wa jal, il aura gagné fi dunya wal akhirah. Et ce qu'il a cause, c'est toi. S'il réfléchirait un peu, là, celui, maintenant, il le laisse dans son égarement. Est-ce qu'il lui a voulu son bien? Abadan. Lakin, cette tariqa, elle demande du sabre, ya jama'a. Crois pas que tu vas dire hakada, ils vont te laisser. Abadan. Lakin, le prophète en sallam, il a patienté. On donne le prophète. Combattu, expulsé de sa ville, son pays natal, Mecca, il est expulsé. Il doit faire la hijra. Ils veulent le tuer. Ils ont essayé de l'empoisonner. Ils ont essayé de kada. Ils ont essayé de kada. Comme. Il a patienté. À la fin, il a eu le dessus, Jami al-Jazira, ils le suivent. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la victoire à qui il veut. Qala, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, ay, li'annahum yufassirun alladhihum alayhi annahu laysa bishirk. Lakin, indama taqulu lahum hadhihi al-adriha, wa hadhihi al-qubur allati ta'budunaha, wa tundiruna laha, wa tadbahuna laha, amalakum hadha huwa al-shirk. Inda dhalik tathur ta'iratuhum. Sahih. Au début, dès que tu appelles à l'islam, ou dès que tu tu montres que tu es un musulman, tu vas voir que Kathir Ben Nas, ils vont essayer de faire des liens avec toi. Hatta des dollars. Hatta des dollars. La kin, dès qu'il va voir ta position et ton din, c'est quoi, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bad al-Ikhwa, ils sont éprouvés hatta vers leur famille. La kin, là, vous dites subir. Yannahoua, au début, tu lui dis t'es musulman. Peut-être que lui, c'est un soufi, un rafidi. Il est content. C'est un musulman, c'est mon frère. Dès que tu lui montres là, la kin, je suis un musulman, mais j'ai pas le droit d'adorer les tombes. Celui qui adore les tombes, c'est pas mon frère. Celui qui adore autre qu'Allah, c'est un mushrik. Et là, tu verras que ça change tout. La kin, t'es obligé. La fraternité, elle est basée sur le kitab et le sunnah. Elle n'est pas basée sur les sentiments. J'aime tout le monde, je déteste tout le monde. Abedan. Tu dois régler ça avec le Coran et le sunnah. Tu ne peux pas aimer te rapprocher quelqu'un qui adore autre qu'Allah. Abedan. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasoulah. Tu ne trouveras pas ça. L'Iman, il ne peut pas se rassembler avec le kufr. Ce n'est pas possible. Wa hadha kadhalik, tu le trouves, l'exemple qu'on a donné avec Ahl al-Kitab. Ahl al-Kitab, un. Ils ont une da'wa, da'wa wahdat al-adyan, ils ont mis un love les croyants. Nahnu al-arab al-mu'min. Ahyanan, ba'd ad-dullal, ils emploient ce mot. Wallah, ils visent al-muslim, c'est haq, c'est un mu'min. Kadhalik, ils visent al-yahoud ou al-nasara. Tous des croyants. Lakin, nahnu, les croyants bi-haq et eux des croyants bi-batil. Nahnu, on croit Allah et on l'adore seul, eux, ils adorent autre qu'Allah. C'est des kuffars. Ce kafir, ce yahoudi, nasrani, si tu lui montres là, vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des kuffars, tu verras le comportement qu'ils auront avec toi. Hatta hum l'an, hatta l'kuffar, ils appuient wahdat al-adyan, cette da'wa, à y rassembler les religions. La chose qu'il aime le plus, al yahoudi ou nasrani, c'est dès que tu dis sa religion, c'est une religion monothéiste. Hatta, tellement qu'ils aiment cette chose, ils ferment les yeux, l'islam, c'est une religion monothéiste, alors qu'ils détestent l'islam. Lakin, ça, c'est pas grave. Al-Islam, al-Yahoudiya, al-Nasraniya. Et il y a cette da'wa fasida de wahdat al-Adiyya. Anta, tu viens, tu dis là, al-Yahoudiya, al-Nasraniya, c'est des dînes de mushrik. Et jamais on se rassemblera avec eux. Tant qu'ils ne font pas de tawbah. Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa baynana wa baynakum, alla na'bud illallah. Aïe, al-Yahoud wa al-Nasara, on se rassemblera si on adore tous Allah seul. Allah seul. Fa'nahnu, tous ces exemples, on les cite. Pour te montrer ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement ce qui se passe Lyon. Sauf que Lyon, c'est des autres noms, c'est des autres. Amma, c'est la même chose. Al-Kuffar, ils ont les mêmes buts, combattre l'islam. Et le musulman, il doit avoir la même voix que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, Allah alhamd, cette risala, elle nous aide, elle nous montre. Ne te fais pas avoir, akhi al-muslim. Ne te fais pas avoir par la quantité, par les sentiments, par abadan. Abadan. Wallah, les yahoud ou les nasara, ils ne veulent pas ton bien. Abadan. Abadan, même ce que tu vois, ils appellent à la laïcité, à on rapproche les religions, kada, c'est que du kadib. Allah, ils détestent, et ce qu'ils veulent, c'est que tu les suives. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَن نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit hadal kalam. Les juifs et les chrétiens, ils ne seront pas d'accord avec toi jusqu'à que tu suives leur dîn. Si tu ne suis pas leur dîn, l'explication du verset, مَفْهُمْ الْآيَة, si tu ne suis pas leur dîn, ils ne seront pas satisfaits de toi. Si tu vois, yuha al-muslim, anna al-yahoud wa al-nasara, ils sont satisfaits de toi, c'est alamat sou. C'est pas une alamat khayr, il y a quelque chose qui va pas. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré dans le Coran, si tu suis ton dîn, ils seront pas satisfaits de toi. Qala, al-Sheikh al-Fawzan, hadha huwa alladhi fa'alahu al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nahahum an ibadati Allah wal-Uzza wa manat wal-Asnam, wa qala lahum lastum ala shay. Il leur a montré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que ce qu'il faisait c'était tout batil. Et ce qu'il faisait c'était du kufr. كم من أحاديث كم من أدلة on les a vu dans دروس توحيد كم كثيرة جدا قال لستم على شيء وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال فحينما قال لهم ذلك ثارت ثائرتهم حمية لدينهم وهذا هو الذي عليه غالب العالم اليوم صحيح أنهم dès que le prophète صلى الله عليه وسلم les a appelés ils n'ont pas accepté le haq بل ils sont entêtés حتى كفار قريش ils n'ont pas pu accepter comment on va délaisser la religion de nos ancêtres et on va te suivre. Comment mon père, mon grand-père, toute ma famille, ma tribu, ils adoraient cette statue, toi tu ne me dis pas l'adorer. Amma, ils auraient pris al-haq, ils auraient dit prouve-nous, prophète sallam, il leur montre, et ils le suivent, ils seraient à la khayr. Wahada, comme a dit Cheikh Fawzan, wahada huwa alladhi alayhi ghalib al-alam al-yawm. La plupart des gens, ils sont à la hada. Ils suivent aveuglément. Al-Yahoudi, il suit aveuglément ses parents. Al-Nasrani, il suit aveuglément ses ancêtres. Al-Rafidi, Al-Sufi, pour qu'un revienne dans le haq, c'est pas impossible. Lian Allah, il est à la kujin qadir. Lakin, c'est rare. Anta, tu vois pas tous les jours des juifs qui se convertissent à l'islam. C'est pas tous les jours. Il y en a, walillahi alhamd, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala y guide, lakin akthar an-nas, ils sont ala hada al-hal. قال عاشق الإسلام قال وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé au tawhid, il a mis en garde contre shirk, il a mis en garde contre leurs idoles, ils ont répondu hakadahum. Ils nous critiquent, ils veulent nous faire du mal, ils critiquent nos ancêtres. Comme ils ont inventé des choses. C'est un sorcier, c'est un menteur. Alors qu'ils savent très bien que c'était pas un menteur, c'est pas un menteur, c'est pas un sorcier. Abadan. Lakin, dès qu'il les a combattus, ils le combattent. قال شيخ الفوزان لو انه ما شتم الهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا. صحيح. Si le prophète sallam il serait tu, il aurait dit moi je vais appeler à ma religion et les autres je les laisse. Personne lui aurait rien dit. Lakin le nabi sallam sallam il a appelé au haq. Il a patienté. يا ايها المدثر قم فانذر. C'est lourd. يا ايها المدثر قم فانذر. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala قال ولربك فاصبر. Allah subhanahu wa ta'ala il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas appeler l'âne, averti, montre-leur ولربك فاصبر. Lakin patiente. Patiente qui pour qui لله والرجز فهجر. فلا بد لا بد هذه الامور لا بد المسلم الداعي الى الله il montre le haq et il patiente. لا بد. اما tout le monde se tait, c'est Allah l'afia. On se tait ou fulani va faire ou abadan. Kufr, c'est du kufr, on est obligé de mettre en garde. Shirk, c'est du shirk. Balal, c'est balal. On est obligé. Lakin, as-sabr, ya jama'a, as-sabr. Avec la famille, avec les gens, as-sabr. Lakin, l'haq, tu le montres. Et tu essayes de le montrer, comme on l'a expliqué plusieurs fois, avec la meilleure manière. Si la personne, c'est une personne, tu sens qu'il peut t'écouter, qu'il veut la vérité, montre-lui tout doucement. Si tu lui montres, tu vois que c'est un val et mille akhre, montre-lui et patiente. Et il ne te fera aucun mal, bi'idnillah azza wa jal. قال لو انه ما شتم الهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا فلو اقتصر على قوله الشرك قبيح والتوحيد طيب ولا عاب الهتهم ولا سب دينهم لما عارضوه. Ça c'est important يا جماعه. Cheikh Fawzan dit maintenant si le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il a dit الشرك قبيح, le shirk c'est mauvais, c'est pas bien, والتوحيد طيب, التوحيد c'est bien, et ils seraient arrêtés là, qu'est-ce qu'ils auraient pensé Kuffar Quraysh? Ils auraient dit nous on n'est pas des mouchriks. Ils auraient dit, en fait, ils ne nous visent pas, nous. Ils visent les juifs, les chrétiens. Enfin, nous, on adore Allah et on adore les statues pour qu'elles nous rapprochent d'Allah. Enfin, ils ne se seraient pas sentis concernés. Est-ce qu'ils auraient combattu le prophète? Abadan. Toi, maintenant, tu arrives dans ta ville, Wahed, c'est un sorcier, Wahed, il adore une tombe, il a aidé. Tu fais le muhadara, maintenant, où tu parles, où tu dis, Ash-shirk, c'est pas bien. Et At-Tawhid, c'est bien. Et tu restes comme ça, global. Les gens, il y en a plein, ils vont dire, Masha'Allah, c'est vrai, Ash-shirk, c'est pas bien. Personne n'aime Ash-shirk. Le mot Ash-shirk, au kufr. T'as déjà vu un tas quelqu'un dit moi je suis un kafir, j'aime le kufr? Abadan. Lakin, le mas'ala al-an, c'est quoi le kufr et c'est quoi le shirk? C'est ça que tu dois expliquer, ayyuha al-muslim. Mais yakfir bi al-taghut wa yu'min billah. Tu dois expliquer c'est quoi le taghut et tu dois expliquer c'est quoi le iman billah. Et là, tu verras que tu seras sur la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma des choses globales, personne ne te comprend. Hadithu al-nas bima yafqahoun. Tu dois parler un tas à la personne pour qu'il comprenne. Enfin, s'il adore la tombe, tu lui montres. Tu restes pas à la cadavre vaste. Tu lui dis, Allah, il n'aime pas le shirk. Allah, non, non, mais tu lui montres. Allah, il n'aime pas le shirk. Et tu lui dis, Akhi, ce que tu fais, c'est du shirk. Et tu lui expliques. La bonne manière, tout doucement, Asa Allah, subhanahu wa ta'ala, il le guide. Amma hakada, je veux que personne me critique. Je veux que personne est contre moi. Il a akhiré. Tu te feras du mal. Il y en a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait hakada. Qashir al-Islam, ad hada qal, wa ma'loum annahu, sallallahu alayhi wa sallam, lam yashtam Isa. وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يكريتيك الآلهة الباطلة يكريتيك المشرك. أما celui qui est adoré et il a rien à voir, بل il est contre مثل عيسى. فلا بد تفرق entre الإله أو celui qui est adoré il est d'accord et celui qui est adoré il est pas d'accord. لا بد. قال شيخ الفوزان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سب الصالحين وإنما سب عبادة غير الله. Amma, ce pieux, peut-être que c'est un imam fiddin, peut-être que c'est un compagnon, peut-être que c'est un prophète. Anta la bout tu farraq. La bout anta tu distingues bien. Tu fais la différence entre l'adorer et l'adoration. L'adorer, ça peut être un salih. Ça peut être une personne, il est contre. Isa alayhi salam, il est adoré. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ba'd al-nas de Johad, il lui demande des choses, il a agréé. Nous différencie bien. On les met en garde et on montre que c'est des créatures, t'as pas le droit de les adorer. Qala, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma sabba salihin, wa innama sab سب عبادة غير الله عز وجل وبين أن أنبياء الله وعباده الصالحين والملائكة لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. نعم tu lui expliques أن la personne qui l'adore, la personne il est pas d'accord. لأن عيسى il a appelé au tawhid, le prophète صلى الله عليه وسلم il a appelé au tawhid. الملائكة ils adorent Allah nuit et jour et ils associent personne à Allah. لماذا أنت tu les adores eux. قال رحمه الله لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. لأن المشرك الآن صحيح بغمحكي هذا أن dès que tu le mets en garde contre الشرك la première chose qu'il dit il n'aime pas les salihis. Maintenant tu lui dis taqillah, pourquoi t'égorges sur la tombe de Fulan, il dit il n'aime pas si dit Fulan. Ça c'est batil. لأن نحن met en garde contre le shirk, on ne met pas en garde contre le salih. Le salih il n'a rien à voir. Si c'est vraiment une personne pieuse, lui aussi n'est pas d'accord avec toi. فهذا الكلام c'est un كلام فارغ. لا تلتفت انت. لا تلتفت. واحد يدي ولا تكريتيكي فلان اي تو فيبلي. ابدا. Je critique pas انا. Je mets en garde contre le shirk. Et le shirk, ou le pieux, ou le nabi, il serait vivant, lui aussi t'aurait mis en garde. قال الشيخ فوزان لما قال إن عيسى لا ينفع ولا يضر وإن الملائكة لا تنفع ولا تضر وإن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون عدوا ذلك تنقصا للصالحين ويقولون لأهل التوحيد أنتم لا تبنون على أضرحتهم. Pour eux السلفية السنية ils n'aiment pas les hommes pieux. حتى vous savez أن كثير منهم خاصة الصوفية ils critiquent شيخ الإسلام محمد بن الوهاب l'auteur et il l'accuse de détester la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. لماذا لأن il les adore pas. لماذا لأن il dit que les tombes, voilà, si c'est un prophète, t'as pas le droit de construire dessus, t'as pas le droit de les lever, t'as pas le droit d'égorger. Il a akhiré. Fa ba'd an-nas, ils comprennent hada, t'aimes pas les pieux. Abadan. C'est pas, ça n'a rien à voir. J'aime les pieux, lakin j'obéis à Allah, j'obéis au Rasoul صلى الله عليه وسلم et je suis là le chemin des pieux. Ama j'invente un din et je fais du shirk. Thomas dit les pieux, ça sera rien عند الله سبحانه وتعالى. قال وهذا من حقهم علينا يقولون حقا علينا إكرامهم والبناء على قبورهم هذا من حقهم علينا. Et on dort, ça c'est bâtel. Ils pensent que si j'aime Sidi Fulan ou Sheikh Fulan ou si je l'aime, s'il meurt, il faut que je construise sur sa tombe. C'est une forme de respect, c'est kada. Qui c'est qui t'a dit que c'est une forme de respect? Le prophète sallam yaqul la'natullah 'ala al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Le prophète sallam il montre que celui qui fait ça il est mal'oun. Et le prophète sallam il fait du'a la'natullah. Huwa il comprend, non, il faut que je le respecte. Ça c'est quoi la cause? Al-jahl. Al-jahl est la mauvaise niya et shaytan, ça a donné le résultat had. Amma nahnu al-an on lui dit qui c'est qui t'a dit que dès que tu aimes une personne pour prouver l'amour de cette personne, tu dois construire sur une tombe, tu dois. Si on lui dit qui c'est qui t'a dit ça? Ça vient d'où? Amène un verset du Coran, il y a pas. Amen. Un hadith du prophète sallam, il n'y a pas. Amen. La parole d'un savant, savant de l'islam, il n'y a pas. Enfin, d'où ça vient? Aucun dalil, aucun argument. Comme salam wa rahmatullah. Qala yaqulun haqqan alayna ikramuhum wal bina ala quburihim hadha min haqqihim alayna. Et nous on sait. Lui va dire prouve-moi alors. نحن لو دي الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نحن لو دي on lui montre avec ce verset du Coran أن si t'aimes le prophète صلى الله عليه وسلم suis-le. Est-ce que Allah سبحانه وتعالى a dit قل إن كنتم تحبون الله فابنوا على القبور أو égorgez pour les tombes? أبدا. Il a dit فاتبعوني, أي suivez le prophète عليه الصلاة والسلام. فنحن لو دي si t'aimes le pieux, si c'est vraiment un pieux, un savant, suis-le dans le haq. Sois pieux comme lui. Et si tu veux être pieux, t'as pas le choix. Tu dois at-tawhid et suivre la sunna. T'as pas le choix. قال أما construire sur les tombes et l'akhiré, ça c'est min wasa'il shirk. Avec ce amal, ayyuha al-muslim, jamais t'atteindras la piété, abadan. Bel, c'est les portes du kufr. قال هذا من حقهم علينا وهذا من تقديرهم وعندما نتوسل بهم الى الله هذا من تقديرهم وتعظيمهم. Il fait du shirk, il fait du kufr et il dit c'est parce que je l'aime, c'est parce que je le respecte, c'est parce que. Ya akhi, kif, tu désobéis Allah subhanahu wa ta'ala pour respecter Fulan. فهذا ça rentre pas في العقل. Ça ne rentre pas fil aq. Anta, si tu veux du bien à la personne, fais-lui du'a. Qala Cheikh Fawzan, wa antum taquluna hadha batil, wa ya'tabiruna hadha shatman wa sabban lahum. Hadha alladhi yufassiruna bihi a'malahum. Wa hadha mawjud al-an ala al-sinatihim wa fi kutubihim. Na'am. Ba'dhum, ils font des livres. Khassatan fi hadha al-zaman, ils combattent ce qu'ils appellent al-wahhabiyya. Ils font des livres, ils font des vidéos, des audios, des... الصوفية الروافد الى اخره اي اي زكيز علماء السنه Cheikh l'Islam Mohamed Ibn al-Wahhab et ceux qui sont venus après lui, Anahum ils n'aiment pas les prophètes, Anahum ils n'aiment pas les gens Ahl al-Bayt, Anahum ils n'aiment pas les pieux, Anahum. Tout, pourquoi tout ça? Parce qu'on adore, on les adore pas. On leur dit on les aime, lakin on n'a pas le droit de faire du shirk. Et on leur dit nous Ahl al-Bayt eux-mêmes, as-salihoun, wa al-ulama, wa as-sahaba, wa min bab awla al-anbiya, eux-mêmes ils ont combattu le shirk. Et ils ont mis en garde contre, ils ont combattu le shirk et ils ont appelé au tawhid. Enfin, tout ça, c'est des da'wa batila. Ils prétendent des choses sans aucun dalil. قال شيخ الإسلام فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض. C'est ça le point عظيم الآن. C'est ça la مسألة الكبرى. C'est ça الآن. Alors maintenant, on a compris le deuxième point. Cheikh l'Islam nous a fait comprendre Anna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas suffi de dire ça c'est pas bien. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre le kufr. Il a mis en garde contre le kafir. Il a mis en garde contre shirk. Bel, il les a détestés fillah. Alors, on a compris ça de la biographie. Anta yuhal muslim, qui lit la biographie, qui aime le prophète et l'akhiré, t'as compris l'un, hada. Cheikh l'Islam, il te fait la conclusion, il te dit قال فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له الإسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعدوة المشركين والتصريح لهم بالعدوة والبغض. أيها المسلم ton دين il sera pas صحيح même si t'adores Allah et tu délaisses le shirk tant que tu détesteras pas le kuffar. T'es obligé. Celui maintenant il adore Allah et il fait pas le shirk, lakin il nous dit maintenant il ne faut pas détester les Yahoud, il ne faut pas détester les Nasara. Pourquoi vous les critiquez? Pourquoi? Ce n'est pas l'islam. On ne parle pas de la personne. Il y a des personnes qui disent ça, c'est des Juhal. On ne dit pas que c'est des Kuffar. Mais la kalima, c'est du Kuffar. Femme, ça, c'est le mas'ala azim. Imagine, il adore Allah. Ça veut dire il fait le salawat, il fait le hajj, il ne fait pas que shirk. Il n'adore pas de tomber l'akhir. Mais sa aqida, c'est les Yahoud, c'est des musulmans. Al-Nasara, c'est des musulmans, c'est des croyants. Faut pas dire que c'est des kuffars. Chacun fait sa religion. La tadidu qawman yu'minuna billah wal yawm al-akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasoulah. Tu trouveras pas. La tadidu qawman. Allah subhanahu wa ta'ala dit tu trouveras pas un mu'min qui croit en Allah. Et au jour dernier, yuwaduna, il donne de l'amour à un kafir. Abadan. C'est impossible. Les annal iman et le kuffar, ça peut pas se rassembler. Comment t'aimes une personne qui est kafir? Comment t'aimes une personne qui combat Allah, qui combat son prophète? Comment t'aimes une personne qui n'a pas accepté le message du prophète alayhi salam? Tu ne peux pas. C'est dunya ba'dan nas. Ce sujet qu'on va voir là, c'est al-wala ou al-bara. On l'a vu beaucoup. C'est dunya ba'dan nas, ils ont le wala ou al-bara, leur famille ou leur tribu. Maintenant, il y a des personnes, si Fulan il insulte son père, abadan il l'aime. Il ne peut pas. Pourtant, c'est dunya, il peut insulter son père et c'est un mu'min. Il peut insulter, critiquer son père, bihaq. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que son père c'est un mujrim, peut-être que son père c'est un mubtadi', peut-être. Lakin son wala et bara, il est sur son père, ou sa mère, ou sa famille. Et tu le trouves, si quelqu'un il n'aime pas son père, il le déteste. Ou non, c'est une personne mienne, ça peut être une personne mienne. Mais c'est son père qui est mauvais. Lakin aqida, elle est sur son père, ou sa mère, ou le pays. Ba'danas, ils ont al-qawmiya, comme à ta'lamoun. Si il n'a pas la même origine, même nationalité, il ne l'aime pas. Alors peut-être que c'est une personne pieuse. Nous, dans le dîn, ça n'a rien à voir avec ça. Si tu es un mouhid, tu es un musulman, on t'aime, fillah. Si tu es un kafir, on te déteste, fillah. Tu peux venir d'où tu veux et tu peux être proche ou lointain. On te déteste, fillah. Ou alors si tu es proche, comme dans l'aïa. Ou alors, quand on a abaahum, ou abnaahum, il a akhir. Son père, son fils, il le déteste, fillah. Amma al-hub tabi'i, c'est autre chose. Hub tabi'i, c'est l'amour que tu as. Parce que c'est ton père, ça c'est autre chose. Lakin, dans le dîn, tu le détestes et tu sais que c'est un kafir. Ta'ammal, mawqif Ali, radiyallahu ta'ala an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec le père de Ali, et le père de Ali va mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait da'wa ya'am, qu'on la ilaha illallah, ma'rouf, al-hadith. Après, le père, il meurt. Ali, radiyallahu anhu, c'est son père. Il est mort, Ali, il est venu voir le prophète, il lui a dit, ya Rasulallah, inna ammaka, al-shaykh al-dhal mat. Ya Rasulallah, ton oncle, l'égari, il est mort. C'est son père. Il y a une aqida, lui, c'est une aqida. Il sait qu'il est mort, khalas, il ne peut plus rien faire. C'est un kafir. Nous, notre wala et notre bara, il est fait din. C'est pour ça que dans le verset, la tajidu qawman yu'minuna billah wal yawm al-akhir. Tu vois que le wala al-bara, c'est sur l'iman billah wal yawm al-akhir. C'est pas le pays ou la couleur ou abadan. Et ça, كذلك, c'est al-kuffar, ils combattent al-islam min hadha al-bab. Ce qu'on appelle al-qawmiyya. Comment est traduit al-qawmiyya? Nationalisme hadha. Ils combattent l'islam jiddan bi hadha. Fa demain on reprendra fa idha arafta hadha arafta anna al-insan la yastaqim lahu al-islam. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك مع تحيه دماج افاق.com